On a épuisé notre stock de 8 nouvelles entrées. Oui, 4 mm-hmm. franco, 4 anglo. Ah ouais, ben ça veut dire qu'on a dit au revoir à 8 autres. Hein? Oui, 4 anglo, 4 franco. Oui, en fait, oui, ben t'as raison. Ben oui, puis quand on dit bonjour à des nouvelles tunes, ben ça veut dire qu'on dit au revoir à d'autres. Donc, Palmer, rest in peace. Et voilà. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 10 au 16 novembre 2014. En premier lieu, on a entendu Fanny Bloom avec Sammy qui reste avec nous 8 semaines. Ouais, elle s'est mis longtemps. Ensuite, Brigitte et Abouche, qui s'est tourné la langue 8 fois. 8 semaines. Oui, faible 3 semaines pour Transsibérienne de Sago. Mm-hmm. L'autre, je pense qu'il s'est trompé. Il est parti sans faire exprès. C'est les erreurs avec Bonne Fête cette semaine. Oui, mais il cherchait une façon d'être aimé. Oh! Hein, donc, c'était Tops avec Way to Be Love 6 semaines. L'autre était parti en quête de liberté et de la poursuite de sang indien avec Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood. C'est The Last International qui a duré 8 semaines. Mm-hmm. À deux, on est fou, mais toi, t'es seulement à moitié fou. OK, donc toi, t'es un demi fois fou. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'était The Bar Brothers avec Half Crazy qui était 6 semaines. Ouais. Et on a terminé avec l'historien de je sais pas, une pièce historique qui tient Brown Show, Class Historian, 7 semaines. Oui, j'espère que les gens vont se retrouver dans tout ce qu'on a dit. Les informations sur assemblagerequis.com. Bien dit, Mathieu. La pertinence n'importe où sauf au 89.1 FM en soi. C'était Palmer's In Peace. On fait ça juste après les nouvelles entrées dans les Palmer's C'est fou. Exactement, Mathieu.